Ils n'ont pas forcément la tête de baroudeurs et pourtant c'est bien l'envie de sortir des sentiers battus qui a poussé Clémentine et Adrien à l'assaut du monde. Et c'est Clémentine qui en parle le mieux. On est parti parce qu'on avait envie de voyager, on avait envie de découvrir des gens, de découvrir des cultures qu'on ne pourrait pas découvrir autrement et qu'on n'aurait pas découvert de manière aussi intense et aussi riche si on n'était pas impliqué dans des projets. La mission, justement, des milliers de kilomètres dans les airs avec à chaque étape une demande, les projets n'ont pas manqué à l'appel. En Guyane aussi, de la même manière, ils ont été chargés d'une mission. Il y a un projet scientifique sur la région de l'Oyapock avec l'Institut de recherche pour le développement. En fait, très précisément, c'est la partie océanique de la pointe Béag, sur le long de laquelle s'accumulent des bancs de vase sur lesquels se développent les mangroves. Et c'est cette zone-là qui est le sujet d'étude à l'instant. Adrien et Clémentine, qui ne font pas payer pour ces services, s'impliquent fortement dans les projets de recherche, des travaux qu'ils communiquent avec différentes écoles tout au long de leur parcours. Pour qu'ils découvrent les sujets scientifiques, le voyage, les endroits où on va de manière différente, plutôt que de le voir de manière statique dans un livre, là ça permet de le voir avec un autre aspect en suivant des voyageurs le long de trajets. L'aventure est loin d'être terminée pour nos deux voyageurs, un périple où ils auront appris à revoir la notion de distance. Voyager avec un petit moyen, ça nous permet de vraiment prendre l'ampleur et la dimension de la planète et de réaliser qu'on voyage. On est conscient, on fait le choix d'aller dans cette direction, d'éviter ce nuage, de passer à gauche de cette montagne, de faire un petit peu de vol à basse altitude dans ce fleuve parce que c'est très beau. On prend vraiment la mesure du monde.